Pourquoi et comment fonctionne une forge? Il travaille essentiellement l'acier en utilisant la forge pour chauffer le métal, à l'aide d'une gomme de marteau et de pinces de forge.